à Cubin est clôturé le 31 juillet, le mois de solidarité avec le peuple coréen. Y ont pris part les officiels du comité cubain pour le soutien à la réunification de la Corée, de l'association d'amitié cubaine avec les peuples et les cadres de l'aciérie de Cuba et d'autres habitants, l'ambassadeur coréen à Cuba et ses collaborateurs. L'orateur a dit que la grande victoire du peuple coréen dans la guerre provoquée par les impérialistes américains est le fruit précieux des pensées militaires, stratégiques et tactiques géniales et du leadership du camarade Kim Il-sung. Il a souligné que les camarades Kim Il-sung et Kim Jong-il sont les grands hommes qui ont consacré toute leur vie pour la réunification indépendante et pacifique de la Corée. Il a ajouté que grâce au camarade Kim Jong-un qui continue brillamment les idées et œuvres des grands leaders, la Corée sera réunifiée à coup sûr et qu'il fera tous ses efforts pour l'amitié et la solidarité invincible entre les deux pays. Il a témoigné du soutien et de la solidarité absolue au peuple coréen dans la lutte pour la réunification du pays. Les participants ont vu les documentaires coréens comme le musée de la guerre de libération de la patrie.